Donc, on commence maintenant le cours numéro 4 dans la lecture du livre de Cheikh Abdussalam ibn Burjis, rahimahullah. Al-amru biluzumi jama'at al-muslimin wa imamihim wa al-tahdhiru min mufaraqatihim. Et on est donc arrivé maintenant dans le chapitre sur les preuves de la sunna. De l'ordre de rester avec la jama'a et l'interdiction de se séparer de la jama'a. Le hadith, ou le dalil plutôt, le dalil numéro 3. Oui, c'est ça, dalil al-thalith. Donc le dalil numéro 3, le cheikh il a rapporté le hadith suivant. Il dit « Akhraja al-Tirmidhi fi kitab al-fitan min sunanihi » باب ما جاء في لزوم الجماعة من طريق النضر بن إسماعيل أبي المغيرة عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال خطبنا عمر بالجابية فقال أيها الناس إني قمت فيكم فكم إني قمت فيكم كما كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل لا يستحلف حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه قد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه. Donc ici, le Cheikh Abdussalam, rahimahullah, il a rapporté un hadith du livre du Sunan de l'imam al-Tirmidhi dans le chapitre de Al-Fitan. Et le chapitre ou le sous-chapitre s'intitule « Ce qui a été rapporté au sujet de rester avec la jama'a ». Et le hadith, la chaîne de transmission est rapportée selon Al-Nadr ibn Ismail, Abu al-Mughira, selon Muhammad ibn Souqa, selon Abdullah ibn Dinar, selon Ibn Omar. Il dit, Ibn Omar, il cite en fait, c'est la parole de son père. Il dit, Omar ibn al-Khattab nous a fait un discours. Et il s'est adressé à nous dans un endroit qui est près de Damas, Dimashq, un endroit qui s'appelle Al-Jabiya. Et il a dit, « Oh, vous les gens, je me tiens parmi vous de la même manière que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est tenu parmi nous. » Et il a dit, je vous enjoins d'être bon envers mes compagnons, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Et ensuite, le mensonge sera propagé. Il y aura beaucoup de mensonges qui vont être propagés. Et une personne va jurer alors qu'on ne lui a pas demandé de jurer. Et une personne va porter témoignage alors qu'on ne lui a pas demandé de porter témoignage. Et qu'un homme ne reste pas seul, isolé avec une femme. Sinon, le shaitan est le troisième. et restez accrochés ou restez avec la jama'a et prenez garde à la division. Parce que le shaitan est avec la personne. Oui, le shaitan est avec quelqu'un lorsqu'il est seul. Et lorsqu'il est avec un deuxième, il s'éloigne plus. Hein, il est plus loin. Donc plus on est nombreux, plus le shaitan s'éloigne de nous. Et il dit, et celui qui veut le bahbouhat al-jannah, donc un endroit particulier dans le paradis, alors qu'il reste avec la jama'a. Et celui qui est réjoui par ses bonnes œuvres et qui trouve mauvais le fait d'avoir fait des péchés ou d'avoir fait du mal, le mal qu'il a fait lui fait du mal et le bien qu'il a fait le réjouit, alors ça c'est le croyant. Et l'imam al-Tirmidhi a dit ensuite, ce hadith, il est hassan sahih, gharib min hadha al-wajh. Hein, c'est-à-dire il est pas rapporté de plusieurs personnes de cette façon. Donc yani, c'est une narration qui est authentique mais qui est pas rapportée par plusieurs personnes de cette façon. Et c'est Ibn al-Mubarak qui l'a rapporté selon Mohammed Ibn Souqa, et il a rapporté ce hadith-là de plusieurs façons, selon Omar, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fin de la citation. Cheikh Abdus Salam, il dit, « Qultu tariq ibn al-Mubarak akhrajaha l'imam Ahmad fil musnad wal hakim fil mustadrak wa qala sahihun ala shart al-shaykhayn intaha kalamu. » Donc ici, le cheikh, il explique et il dit que la voie qui a été rapportée selon Ibn al-Mubarak, elle a été rapportée par l'imam Ahmad dans sa Musnad. Et également Al-Hakim dans son livre Al-Mustadrak. Et il a dit par rapport à ce hadith-là qu'il est authentique avec les conditions, hein, selon les conditions des deux cheikhs, c'est-à-dire les conditions de Al-Bukhari et Muslim. Non. Ensuite, le cheikh il continue wa qawluhu buhbuha, hein, buhbuhat al-janna. Il dit qala Abu Ubayd arada bi buhbuhat al-janna wasataha wa qala buhbuha yani kull buhbuhatu kulli shay'in yani wasatuhu wa khiyaruhu intaha kalamuhu. Donc à propos de l'expression du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit et celui qui veut buhbuhat al-jannah, le cheikh il dit la signification de buhbuha, ça veut dire yani l'endroit qui est au centre ou bien le meilleur endroit dans une place. Dans un lieu particulier, eh bien, le meilleur endroit, c'est, on l'appelle buhbuha. Ou bien le milieu ou le centre, on l'appelle buhbuha. Ensuite, ça c'est tiré de Lisan al-Arab. Ensuite, le Cheikh il dit, « Wa qad dhakara ibn al-Arabi al-Maliki » أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة يحتمل معنيين أحدهما أن الأمة إذا اجتمعت على قول فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا آخر والثاني إذا اجتمعوا على إمام فلا تحل منازعته ولا خلعه وهذا ليس على العموم بل لو عقده بعضهم لجاز لو عقده بعضهم لجاز ولم يحل لأحد أن يعارض. انتهى كلامه. Donc ici le cheikh il explique que le cheikh Ibn al-Arabi al-Maliki, un des ulama parmi les ulama al-Malikiya, il ne faut pas confondre non plus avec Ibn Arabi, hein, sans le alif lam, qui est un hérétique et un égaré parmi les soufis, une tête parmi les têtes de l'égarement. Donc ici, Ibn al-Arabi, c'est un savant parmi les savants malikiyya. Et il dit, donc Ibn al-Arabi al-Maliki, il explique ce hadith-là dans son charh, « Aridatu al-Ahwazi » بشرح الترمذي. Il dit que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il mentionne rester avec la jama'a, eh bien ça implique deux significations. La première, c'est que la umma, lorsqu'elle est réunie sur une position ou une position ou une parole quelconque, eh bien il n'est pas permis de ni d'inventer après eux une autre parole différente ou divergente. Hein, lorsque tout le monde est réuni sur une position, eh bien, il n'est pas permis par la suite de ramener une autre position qui vient en contradiction avec cette position-là. La deuxième explication par rapport à « alaykum bil jama'a », de rester avec la jama'a, ça veut dire également que lorsque les gens sont réunis autour d'un imam, autour d'un dirigeant, il n'est pas permis de lui disputer son autorité ou d'essayer de l'enlever. Il dit, وَهَذَا لَيْسَ عَلَى الْعُمُومِ. Il dit, et ça, ce n'est pas de façon générale. Il dit, si par exemple, certains d'entre les musulmans lui avaient donné l'allégeance, eh bien, c'est permis. Même si ce n'est pas permis à quiconque de s'opposer à lui. C'est permis si un petit groupe lui ont donné l'allégeance et lui ont donné leur entente qu'ils vont lui obéir, ce n'est pas permis à quiconque par la suite de s'opposer à lui. Et le cheikh, il explique ça, et parmi les sens de ça, c'est que ce n'est pas nécessaire pour que quelqu'un soit le khalifa, ou quelqu'un devienne le dirigeant dans un pays musulman, que toute la population, sans exception, lui ait donné l'allégeance. L'important, c'est, comme les ulama ils le mentionnent, que ce soit Ahlul Hill wal Aqd, c'est-à-dire les gens importants dans la société, les gens qui ont un statut et qui sont importants dans la société, par exemple, les savants de l'islam, les ulama, et également les maires et les différents gouverneurs des différentes régions, eh bien, du moment que eux ont donné la baya, ou bien les plus importants d'entre eux, eh bien, ça compte pour le reste. C'est pas nécessaire que toute la population et chaque individu parmi les musulmans donne la baya aux dirigeants directement. Donc ça vient clarifier certaines mauvaises conceptions que certaines personnes peuvent avoir, parce qu'ils font des comparaisons ou des analogies entre l'islam et la démocratie. Et ça, c'est bien entendu une erreur, parce que dans la démocratie, toute la population doit voter, tandis que dans l'islam, les gens qui donnent la bay'a, c'est pas toute la population, mais c'est les représentants ou les responsables des musulmans seulement. Et en ce qui concerne la Shura, certains ils ont essayé d'interpréter ça comme étant la démocratie. Et on sait très bien que la Shura, ça n'a rien à voir avec la démocratie, puisque la démocratie, c'est un système corrompu et inventé, fabriqué par l'homme, et qui est une source de beaucoup de désordre. Tandis que la Shura, c'est un ordre divin qui vient dans la révélation et qui consiste à ce qu'il y ait une consultation de la part des musulmans et qu'ils donnent le conseil et leur opinion et, leur, et qu'ils soient sincères envers le dirigeant. D'accord? Donc, ça, ça n'a rien à voir avec les parlements tels qu'on le voit chez les kuffars. Naam. Donc, ensuite, le Cheikh dit « Waradjaha al-Mubarak Fouri fi tuhfat al-Ahwadi al-Wajh al-Thani faqal wa alaykum bil-jama'a ay al-Mutanazima al-Muntazama binasb al-Imam wa iyaakum wal-Furqa ay احذروا مفارقتهم ما امكن انتهى كلامه. Donc le cheikh il mentionne que le cheikh al-Mubarak Fouri dans son charh de Sunan al-Tirmidhi qui s'intitule Tuhfatul Ahwazi, il considère que la position la plus correcte c'est la position ou la deuxième explication par rapport au hadith que le Cheikh Ibn al-Arabi a mentionné, c'est-à-dire lorsque les gens se sont réunis autour d'un imam, eh bien ce n'est pas permis de s'opposer à lui, d'essayer de l'enlever du pouvoir ou de lui disputer l'autorité. Et il confirme ça en disant, c'est-à-dire yani, l'organisation qui a établi l'imam, hein, l'imam, binasb al-imam. Donc c'est la jama'a qui s'est mise autour de son dirigeant et qui a yani donné l'allégeance à ce dirigeant-là. Et quand il dit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenez garde à la division, eh bien ça veut dire, yani, c'est-à-dire prenez garde à ne pas diviser la jama'a tant que possible. Ensuite, le dalil numéro 4, le dalil al-rabi' أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم فقلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قلت يا رسول الله فما ترى نعم قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك وهذا لفظ مسلم ففي هذا الحديث ها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أطوارا زمنية تمر بأمته ها donc on va expliquer le hadith ici. Le cheikh, il a mentionné le hadith en question et on va juste traduire le hadith en premier. Il dit, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih. Selon Hudhayfah ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, qu'il a dit, les gens avaient l'habitude de demander à propos du bien au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que moi, j'avais l'habitude de lui demander à propos du mal par crainte d'être touché par le mal. Alors je dis, ô messager d'Allah, nous étions dans une ignorance et du mal. Et Allah nous a ramené ce bien. On était dans la jahiliya, l'ignorance et le mal. Et l'islam, Allah nous a ramené l'islam, c'est-à-dire ce bien. Alors, est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal? Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Alors, Hudhayfa a posé la question, et est-ce qu'après ce mal, il y aura un bien? Il a dit oui. Mais, yani, ce sera un bien dans lequel il y aura yani, de la brume, quelque chose qui est pas clair, pas pur, complètement bon. Et il a dit, « Wa ma dakhanuhu ?» قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. Il a dit donc يعني la chose dedans qui ne sera pas purement bonne ou qui sera pas claire, c'est quoi? C'est qu'il y aura des gens qui vont prendre comme guidance autre que ma sunna, hein, ils vont suivre autre que ma voie. Et il y a des choses que vous allez reconnaître d'eux et approuver, et d'autres que vous allez réprouver, que vous allez condamner. Alors, Hudhayfa a dit, et est-ce que après ce bien, dans lequel il y aura de la brume, ou il y aura des choses, de la fumée, ou quelque chose pas clair, est-ce qu'il y aura, après ce bien-là, il y aura un mal? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui, il y aura des prêcheurs qui appellent aux portes de l'enfer. Et quiconque répond à leur appel sera jeté dans l'enfer. Alors, Hudhayfa, il dit, ô messager d'Allah, décris-les-nous. C'est-à-dire, décris-nous ces prêcheurs qui appellent aux portes de l'enfer. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui, ce sont des gens qui sont de la même peau que nous et qui parlent la même langue que nous. Hein? Donc c'est des gens parmi nous, hein? Soit parmi les Arabes ou parmi les musulmans. Alors il a dit, « Qultu, ya Rasulullah » Donc il a dit, « Ô messager d'Allah, et qu'est-ce que je dois faire si j'arrive et je vois ça, hein, si je suis dans cette époque-là et que cette époque-là me parvient, hein, j'arrive à cette époque, qu'est-ce que je dois faire? » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu dois donc rester avec la jama'a des musulmans ainsi que leurs dirigeants, c'est-à-dire reste avec le corps des musulmans et leurs dirigeants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc, c'est ça, reste avec la jama'a des musulmans et leurs dirigeants. Alors, Hudhayfa a dit, et supposant que, ou disons qu'ils n'ont pas de, il n'y a pas de jama'a, hein, il n'y a pas d'imam. Donc, les musulmans ne sont pas organisés, ils ne sont pas ensemble et ils n'ont pas de dirigeants. Alors, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors écarte-toi de tous les groupes, de toutes les sectes, même si tu dois mordre au tronc d'un arbre jusqu'à ce que te vienne la mort alors que tu es encore ainsi. Hein? Et ça, c'est la narration de Muslim. Et le cheikh explique que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne les différentes étapes et les différents changements dans le temps qui vont se produire dans sa umma. Et il dit, le cheikh ensuite, minha ma huwa khayrun mahd ومنها ما هو خير لكن ليس خالصا بل فيه كدر، ومنها ما هو شر. وقد أرشد صلى الله عليه وسلم المسلم إلى المسلك الشرعي يجب أن يسير عليه في تلك الأطوار. Donc le cheikh il dit parmi les différentes étapes qu'on a mentionnées, il y en a qui sont purement bonnes. Hein, il y en a une qui est purement bonne au début. Ensuite il dit il y en a d'autres qui sont bonnes, mais par contre il y a dedans de la brume. C'est pas un bien qui est complètement pur. Et puis il y en a d'autres étapes qui sont mauvaises. Alors, le cheikh, il explique et il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a orienté le musulman à emprunter la voie qui a été déterminée par la charia et qui ordonne, donc qui est ordonnée de suivre à tous les musulmans à chaque étape. Donc, il dit, « فَالطَّوْرُ الْأَوَّلُ زَمَنُ الْخَيْرِ وَهُوَ زَمَنُهُ sallallahu alayhi wa sallam. ثم يعقبه هذا الطور زمن آخر وهو زمن الشر ثم يمر بالأمة طور ثالث وهو زمن الخير في الجملة حيث إن الخير الذي فيه يشوبه كدر ثم الطور الرابع وهو الزمن الشر وهو زمن الشر الذي فيه دعاة على أبواب جهنم وهذا الطور يستدعي اهتمام هذا الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان أكثر من غيره من الأمور فيسأل عن صفة أولئك الدعاة على أبواب جهنم ليعرفهم هو وغيره فيحذروا. Donc le cheikh explique que la première étape, c'est la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la période dans laquelle il y a le bien. Et cette période est suivie par une autre époque. Hein? Et il dit, c'est une époque mauvaise. Et il dit, puis ensuite la Ummah va passer par une troisième étape. Et c'est l'étape, qui est bonne de façon générale, mais il y a dedans un peu de noirceur, un peu de brume. C'est pas clair. Puis ensuite, il y a une quatrième étape, et c'est l'étape mauvaise encore, dans laquelle il y aura des hommes qui vont prêcher et qui vont appeler aux portes de l'enfer. Et cette étape, Elle demande une préoccupation particulière. Et on le voit de la part de ce sahabi, ce noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, plus que les autres. Hein, il a une préoccupation pour cette période ou cette étape plus que pour les autres, puisqu'il demande au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam des détails un peu plus approfondis. Il demande et il dit de décrire les gens qui vont appeler aux portes de l'enfer pour qu'on puisse les connaître et pour qu'on puisse être averti à leur sujet. Et il dit « ثم سأل حذيفة رضي الله عنه صاحب الشرع الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عن المسلك الشرعي الذي يجب أن يسلكه في هذا الطور فيجيب صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وإمامهم هنا عند هذه الإجابة الجليلة تنقطع كل حجة ويبطل كل هوى وتصفد كل عاصفة فالسمع والطاعة في غير معصية للإمام وإن جاروا والخروج على الأئمة وإن جاروا محدث ومنكر. وهذا ما دل عليه هذا الحديث، فقد نطق بوجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم في هذا الطور. Donc le cheikh il mentionne l'explication de ce point-là. Il dit, on voit que Hudayfa, radiyallahu anhu, il demande à celui qui a reçu la révélation, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne parle pas selon la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Il lui demande à propos de la méthode ou de la voie qui est légiférée et qu'il doit emprunter pendant cette période ou pendant cette étape, période dans laquelle il y a du mal et qu'il y a des prêcheurs qui appellent aux portes de l'enfer. Qu'est-ce qu'il doit faire Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui répond et il lui dit, tu dois rester accroché à la jama'a des musulmans et à leurs dirigeants. Alors, le cheikh, il dit, ici, on voit cette réponse, cette grande réponse, elle vient couper tout argument, et elle vient détruire toutes les passions, et elle vient enchaîner toutes les tempêtes. Puisque l'écoute et l'obéissance du dirigeant, dans ce qui n'est pas un péché, l'écoute et l'obéissance au dirigeant, dans ce qui n'est pas un péché, même s'ils font de l'injustice, on continue à rester dans l'obéissance en général. Mais s'ils nous demandent de faire un péché, on s'abstient de, on doit s'abstenir. Mais dans le reste, on continue l'obéissance et l'écoute dans le bien. Et le fait de se rebeller et de sortir contre le dirigeant, même s'ils font de l'injustice, ça c'est une chose qui est innovée et c'est quelque chose qui est condamnable et mauvaise. Et il dit, et c'est ça qui est indiqué par ce hadith, et c'est ce que prouve ce hadith de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque malgré cette époque et cette étape qui est très mauvaise, dans laquelle il y a des hommes qui appellent aux portes de l'enfer, il ordonne aux musulmans de rester, de rester avec la jama'a des musulmans, c'est-à-dire le corps des musulmans, ainsi que leur imam, dans cette période difficile et mauvaise. Donc ça réfute les idées des Khawarij à notre époque et à toute époque en fait. Et il dit le Cheikh, وقال ابن بطال وفيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور لأنه وصف الطائف الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم ولم يقل فيهم تعرف منهم وتنكر كما قال في الأولين وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة انتهى كلامه. Donc Ibn Battal رحمه الله il dit à propos de ce hadith et à propos de cette partie du hadith en particulier, il y a dans ça une preuve pour la jama'a des fuqaha, des savants, sur l'obligation de rester avec les musulmans, la jama'a des musulmans, et de laisser tomber et de délaisser la révolte contre les dirigeants injustes, parce que il a décrit le groupe, le dernier groupe, c'est-à-dire cette étape, ceux qui sont dans cette étape-là, d'être des prêcheurs aux portes de l'enfer. Et il n'a pas dit à leur sujet, vous allez approuver certaines choses et réprouver d'autres. Comme il a dit à propos des premiers. Plutôt, hein, la raison pour le cheikh, il dit, s'il ne dit pas à leur sujet, vous allez approuver des choses et vous allez réprouver d'autres, eh bien, c'est la preuve qu'ils sont sur autre chose que sur la vérité. C'est la preuve que ils sont sur autre chose que sur la vérité. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de rester avec la jama'a des musulmans et de ne pas se rebeller ou de ne pas se révolter. Ensuite, le cheikh il dit وقال الكرماني في شرح البخاري فيه الإشارة إلى مساعدة الإمام في بالقتال ونحوه إذا كان إمام وإن كان ظالما عصيا والاعتزال إن لم يكن انتهى كلامه وقوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh dit que Al-Kirmani rahimahullah, qui a écrit un charh de Sahih al-Bukhari, il dit, il y a ici une indication qu'il faut aider le dirigeant à combattre. Hein? Si c'est lui le dirigeant, il faut l'aider à combattre, même si c'est un injuste qui fait des péchés. Hein? Et s'écarter, hein, s'il n'est pas ainsi. Fin de la citation. Il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam talzam jama'at al-muslimin wa imamihim al-murad al-jama'a alladhina yantazimuhum imamun zahirun lahu shawkatun wa qudratun ala siyasatin nas. Donc il dit, en ce qui concerne l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de rester avec la jama'a des musulmans ainsi que leurs dirigeants, qu'est-ce qu'on veut dire par la jama'a? C'est ceux qui se sont organisés, hein? Ceux qui ont été organisés autour de leur imam. Leur imam les a organisés et c'est un imam, un dirigeant qui est apparent. Et non pas comme les gens de Bid'a qui ont des imams qui sont des dirigeants qui sont cachés. Hein? Allah musta'an. Et ce dirigeant, il a une force et il a une capacité. Hein, de gérer les gens et de gérer la politique des gens, d'organiser leur société et leur vie. Il dit وَقَدْ جَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدْ مِنْ طَرِيقِ نَصْرِ بْنُ عَاصِمْ عَنْ سُبَيْعِ بْنْ خَالِدْ عَنْ حُدَيْفَةِ بْنْ الْيَمَانِ الْحَدِيثِ وفيه قال صلى الله عليه وسلم إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه وفي آخر مطاف أسئلة حذيفة رضي الله عنه سأل عن سورة لم تقع في زمانه ولكنها ليست مستحيلة الوقوع حيث قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام فأجابه صلى الله عليه وسلم بالمخرج من هذه الفتنة وهو الاعتزال وهو اعتزال تلك الفرق كلها لأنه إذا لم يكن إمام يقاتل الناس تحت لوائه يحمي حوزتهم ويقيم حدود الله فيهم وينصف مظلومهم من ظالمهم فإن الفوضى ستعم فلا يستقيم حينئذ للمسلم إيمانه إلا بالاعتزال. Donc le cheikh il dit, Et à la fin de cette explication et de cet échange avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hudhayfa, il dit qu'il a été rapporté selon Abi Daoud par la voix de Nasr ibn Asim, selon Subay ibn Khalid, selon Hudhayfa, il a mentionné le même hadith et dedans il y a la mention suivante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si Allah a établi un khalifa sur la terre et qu'il a frappé ton dos ou qu'il a pris tes biens, alors obéis-lui. Et donc à la fin de ces questions de la part de Hudhayfa, lorsqu'il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé une question à propos de quelque chose ou une idée ou plutôt une forme, quelque chose, une illustration de quelque chose qui ne s'était pas encore produit à son époque. Mais c'est quelque chose qui n'est pas impossible. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui peut se produire. Puisqu'il lui a posé la question suivante: Et qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de jama'a ni d'imam? Pas de jama'a ni d'imam. Alors, il lui a répondu par la réponse qui l'aidera à sortir de la fitna. Et c'est de s'écarter de toutes les sectes et de tous les groupes. Il dit: si il n'y a pas un dirigeant derrière la bannière duquel les musulmans peuvent combattre et protéger leurs frontières et établir les peines parmi eux et établir la justice contre celui parmi les gens qui fait de l'injustice aux opprimés, eh bien ce sera un chaos général dans la société et il n'y aura pas d'ordre et les choses ne seront pas droites et ordonnées dans la société. Et à ce moment-là, le musulman, s'il veut préserver sa foi, il dit le cheikh, le musulman n'aura rien d'autre à ce moment-là que sa foi, sinon il devra partir en exil, ou pas en exil, mais plutôt s'écarter de la société et partir, vivre à l'écart des villes. Ce qu'on appelle l'i'tizal. Et il dit, le cheikh ici, c'est une parole de l'imam al-Tabari, il dit: قال الإمام الطبري رحمه الله في الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها انتهى كلامه. Donc ici l'imam al-Tabari rahimahullah, il dit que dans le hadith de Hudhayfa, il dit que du moment que il n'y a pas de dirigeant, que les gens se sont divisés en parties, alors on ne doit pas suivre aucun d'entre eux dans la division. Et il dit chacun doit s'écarter s'il est capable par crainte de tomber dans le mal, parce que quand il y a des groupes comme ça, justement, en général il y a des combats entre les croyants et le résultat c'est que le musulman il va être pris dans une situation où il va parfois devoir combattre son frère. Donc pour éviter ça, c'est mieux pour lui de s'écarter complètement de la société, d'aller vivre à l'écart ou de s'éloigner pour justement ne pas être pris dans ce genre de situation où il va être mis à l'épreuve et éprouvé par la fitna du combat entre les musulmans. Et il dit, et c'est ainsi qu'on doit comprendre tous les hadiths dans ce sens, qui sont dans ce sens-là. Et c'est ainsi qu'on réunit également entre ce qui est en divergent de ces hadiths-là en apparence. Fin de la citation en question mentionnée dans Fath al-Bari. Et il dit, وقال الحافظ ويؤيده رواية عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة عند ابن ماجة فلأن تموت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. الجذل أصل الباقي من الشجرة وغيرها بعد ذهاب الفرع. Donc le cheikh, il dit ici que Al-Hafidh a mentionné que cette explication-là est supportée par la narration d'Abdurrahman ibn Qurt, hein, selon Hudayfa, rapportée par Ibn Majah, dans laquelle il dit de mourir alors que tu es en train de mordre à la base d'un arbre, c'est meilleur pour toi, hein. C'est meilleur pour toi que de suivre aucun d'entre eux. C'est meilleur pour toi que de suivre quelconque d'entre eux, c'est-à-dire quelconque d'entre ces groupes. Ensuite, le Cheikh Abdussalam ibn Burjis, il dit, قُلْتُ وَمَا نَبَّهَ إِلَيْهِ الطَّبَرِيُّ مِنْ دِلَالَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ النَّاسِ إِذَا افْتَرَقُوا أَحْزَابًا وليس لهم إمام فلا يتبع حزب من الأحزاب بل تعتزل جميع الأحزاب جيد من فضله والثبات على دينه أن يجنبنا الفتن. أي نعم نسأله المزيد. ونحن في هذا الزمن لا ينطبق علينا حكم الاعتزال وذلك لأن الإمامة قائمة ظاهرة بحمد الله تعالى نسأله المزيد من فضله والثبات على دينه وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. Donc ici le Cheikh Abdul Salam il dit, et ce que l'imam al-Tabari a mentionné comme preuve dans ce hadith là à propos de ce que les gens subissent lorsqu'ils n'ont plus de Jama'a et qu'ils sont divisés en groupes et en parties, qu'ils n'ont plus de dirigeants, alors il ne doit pas suivre aucun des groupes et des parties, mais plutôt il doit s'écarter de tous les groupes et de tous les parties. Et il dit ça c'est bien qu'est-ce qu'il a expliqué. Et il dit nous à notre époque ça ne s'applique pas à nous, hein, cette idée de ce principe de s'écarter, hein, et de partir à l'extérieur des villes et de s'isoler. Ça ne s'applique pas à notre époque. Pourquoi? Parce que il y a encore un dirigeant. Il y a un jama'a des musulmans encore. Dans les pays musulmans, il y a des dirigeants, excepté dans les pays où il y a eu des révoltes, hein, à cause des khawarij, où il n'y a plus de dirigeants, où il n'y a pas un dirigeant, on voit le désordre et le chaos. Mais sinon, dans la plupart des autres pays musulmans, il y a un dirigeant, il y a une jama'a. Et donc, le cheikh, il dit, et ça, c'est la preuve qu'il y a encore un dirigeant et une jama'a qui est établie et apparente par la grâce d'Allah. Et on demande à Allah de nous augmenter de sa grâce et de sa fermeté sur sa religion et qu'il nous écarte des tribulations et des problèmes, ce qui est apparent et ce qui est caché. Ensuite, il dit وقد أكد البيضاوي ذلك الذي نبه عليه الطبري فقال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها والمعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان وعض أصل الشجرة كناية على مكابدتي المشقة كقولهم فلان يعض الحجرة من شدة الألم، أو المراد اللزوم. انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit, et al-Baydawi a confirmé donc ce que l'imam al-Tabari a mentionné, et il a dit à propos de son explication dans le sharh de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écarte-toi de tous ces groupes. Il a dit la signification ici c'est que yani, s'il n'y a pas un khalifa sur terre ou un dirigeant sur terre, alors écarte-toi. Hein, écarte-toi des gens et des groupes. Et yani, il dit, ça signifie également d'être endurant et de supporter la difficulté de l'époque dans laquelle on vit. Et il dit, et de mordre l'arbre ou la base de l'arbre, c'est une... C'est une comparaison ou bien un exemple qu'il donne dans le sens de d'endurer la difficulté. Et il dit, comme par exemple on dit, un tel, une personne, par exemple, un tel, il mord la pierre. Il y en a par rapport à la dureté de la douleur qu'il ressent, ou la sévérité de la douleur qu'il ressent. Ou bien ça veut dire également le fait de rester accroché et de se cramponner à la vérité. Hein? Fin de la citation. Et il termine l'explication de cette preuve en disant « وَالْجَمَاعَةُ الْوَارِدَةُ وَالْجَمَاعَةُ الْوَارِدُ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ هِيَا الْجَمَاعَةُ الَّذِينَ فِي طَاعَةِ مَنْ اجْتَمَعُوا عَلَى تَأْمِيرِهِ قَالَهُ ابْنُ جَرِيرٍ قُلْتُ الْحَدِيثُ السَّابِقُ لا يحتمل غير هذا والله اعلم. Donc le cheikh il dit la jama'a des musulmans telle qu'elle est mentionnée dans le hadith, ça signifie quoi? Ça signifie le groupe qui yani se sont réunis sur l'obéissance de celui yani qui est au pouvoir, ok, celui qui est leur dirigeant. Et ça, c'est rapporté par, également, selon Ibn Jarir, ou c'est mentionné par Ibn Jarir. Et Cheikh Abdus Salam Ibn Burjis, il conclut ça en disant que le hadith précédent ne comprend ou n'a pas d'autre possible signification que celle-là. Wallahu a'lam. Donc, c'est ce qui conclut notre cours aujourd'hui. On va s'arrêter ici pour l'instant. Et on continuera ce sujet le prochain cours. إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته